tirer sur l'amour et faire l'argent. Et je ne sais pas pourquoi chaque fois que je suis loin de toi, ouais, c'est toi que j'attends, c'est plus fort que moi. Tu me regardes pendant de longs moments. Si tu m'embrasses, moi, je ne dis pas non. Si quelqu'un sonne au téléphone, ouais, c'est pour t'aimer mille la voix d'un autre. Non, non, t'es pas moral, t'es pas normal. T'es pas moral, pas sentimental. T'es pas moral, t'as jamais mal. T'es pas moral, pas sentimental. T'es pas moral, t'as jamais...